And that's why Daniel saw it here and said, those who have led men into righteousness. C'est pourquoi Daniel a vu ça ici et a dit, qui ont conduit beaucoup à la justice. If you are pastor, ask yourself, si vous êtes un pasteur, demandez-vous vous-même, have you led men into the righteousness of the Lord? Est-ce que vous avez conduit beaucoup à la justice du Seigneur? Or you have preached prosperity, ou bien est-ce que vous avez prêché la prospérité, lacking in holiness, manquant la sainteté? Have you led men into the fear of the Lord? Avez-vous conduit beaucoup à la crainte du Seigneur? That causes them to go into holiness. Ça les conduit à la sainteté. For the Lord. Pour le Seigneur. Or you have compromised holiness. Ou bien, est-ce que vous avez compromis la sainteté? For the sake of the size of the church. Dans le souci d'élargir l'Église. And for the sake of the money that you receive from the multitudes that come to the church. Par souci de recevoir de l'argent de la multitude qui vient à l'église. The Lord, in other words, is waking the church up. Le Seigneur, en d'autres mots, réveille l'église. To the truth and the reality of his word. À la vérité et à la réalité de sa parole. And he's saying, it is not enough to enter to the rapture. Ce n'est pas assez d'être pris lors de l'enlèvement. Make sure that when you present yourself before the judgment seat of Christ. Assurez-vous que quand vous vous présenterez devant le trône de jugement de Christ. Remember, that's the day the church will account for everything she ever thought. Souvenez-vous que c'est le jour où l'Église aura à rendre des comptes pour tout ce qu'elle aura jamais pensé. Even the schemes of your mind and heart. Même les schémas de votre pensée et de votre cœur. Hebrews chapter 5. Hébreux chapitre 5. Even the schemes of your heart will be judged. Même les schémas de votre cœur vont être jugés. Everything you ever planned. Tout ce que vous avez jamais planifié. Everything you ever said, everything you ever did. Tout ce que vous avez jamais dit, tout ce que vous avez jamais fait. And thought, and saw, and heard. Et pensé, et vu, et entendu. The church will account for it before the judgment seat of Christ. L'Église va rendre compte pour cela devant le trône de jugement de Christ. That is the raptured church. Ça, c'est l'Église qui a été enlevée. Forget about the tribulating members that were in the former church that are now left to face the tribulation. Oubliez à propos des membres des églises formalistes qui sont restés et qui maintenant font face à la tribulation. And so he's waking the church up. Work harder. Et alors, il est en train de réveiller l'Église. Travaille plus. This is the time to go into the harvest. The harvest is plenty. C'est le temps d'aller à la moisson. Il y a plein de moissons. And surely we are seeing a lot of harvest. Et assurément, nous sommes en train de voir beaucoup de moissons. Let us look at the next revelation. Regardons à la révélation suivante. What is the revelation the Lord embedded in the rapture of the dead? Quelle est la révélation que le Seigneur intègre dans l'enlèvement des morts? When he presented it to me, quand il me l'a présenté, on the 26th of November, the year 2006, le 26 novembre 2006, John chapter 5, I'm reading from verses 24, Jean chapitre 5, je lis depuis le verset 24, all the way 28, 24 à 28, he says, I tell you the truth. Je vous dis la vérité. You can underline the word here. If every time meet here, you underline it. Vous pouvez souligner le mot écoute. Et chaque fois que vous le rencontrez, vous pouvez le souligner. I tell you the truth. En vérité, je vous dis la vérité. Whoever hears my word, underline the word hears. Celui qui écoute ma parole, soulignez le mot écoute. And believes in whom who sent me has eternal life. Et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. And will not be condemned. Et ne vient point en jugement. But has crossed over from death to life. Mais il est passé de la mort à la vie. Verse 25, John chapter 5. Le verset 25 de Jean chapitre 5. I tell you the truth. Je vous dis la vérité. A time is coming. l'heure vient, and has now come, et elle est déjà venue, when the dead will hear, underline the word here, où les morts entendront, soulignez le mot entendront, when the dead will hear the voice of the Son of God, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. And those who hear, underline the word here, will live. Et ceux qui l'auront entendu, soulignez le mot entendu, vivront. Meaning not all will hear. Ce qui signifie que tout le monde n'entendront pas. Look at the revelation. Et quelle révélation! Verse 26. Le verset 26. For the Father has life in himself, and he has granted the Son to have life in himself. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Verse 27. Le verset 27. And he has given him authority to judge because he is the Son of Man. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. That's why the voice of the Lord said. C'est pourquoi la voix du Seigneur dit. And the majority have remained under the dust of the earth. Et la majorité est restée dans la poussière de la terre. Meaning that is the day of judgment. Ça veut dire que c'est le jour du jugement. That's another revelation. C'est une autre révélation. Verse 28. Verset 28. Do not be amazed at this. Ne vous étonnez pas de cela. For a time is coming. Car l'heure vient. When all who are in their graves will hear. Make sure you underline the word here. Où tous ceux qui sont dans les sépulcres vont entendront. Soulignez, entendront. His voice and come out. Those who have done good rise to live, and those who have done evil rise to be condemned. Et en sortiront. 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. He is talking about the two resurrections. Il est en train de parler à propos des deux résurrections. The first resurrection during the rapture. La première résurrection pendant l'enlèvement. And the second resurrection for those who remained under the dust of the earth. Et la deuxième résurrection pour ceux qui sont restés dans la poussière de la terre. On the day of judgment. Pour le jour du jugement. So you begin to understand that the key word here, the key revelation here. Alors, vous commencez à comprendre que le mot clé, la révélation clé ici. That the Lord was speaking to the church. Que le Seigneur est en train de dire à l'Église en me montrant l'enlèvement des morts, is that, listen to me, c'est que, écoutez-moi, that not all will hear the voice of the archangel. Tous n'entendront pas la voix de l'archange. Not all will hear the trumpet call of God. Tout le monde n'entendra pas le son de la trompette de Dieu. Not all will hear the voice of the Son of Man. Tous n'entendront pas la voix du Fils de l'homme. Not all will hear about the announcement of the rapture. Tous n'entendront pas l'annonce de l'enlèvement. That means not all will be taken up. Ça signifie que tous ne seront pas pris. Who are those? Qui sont-ils? Who will hear the voice of the archangel? Qui entendront la voix de l'archange? That means those that have received the Holy Spirit. Ça signifie ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. And the Holy Spirit has sanctified them. Et le Saint-Esprit les a sanctifiés. Purified them with the fire of the Lord, the fire of the Holy Spirit. Les a purifiés avec le feu du Seigneur, le feu du Saint-Esprit. And now their spiritual ears are open. They are walking as spiritual beings. Et maintenant, leurs oreilles spirituelles sont ouvertes et ils sont en train de marcher en tant qu'êtres spirituels. They are the ones who will be able to hear. Ils sont ceux qui vont être capables d'entendre. And when he says hear, he emphasizes the word hear. Pas étonnant qu'ils disent écoutez. Il met de l'importance au mot écouter. Those are the only ones that will be able to hear the voice of the Lord. Ceux-là sont les seuls qui seront capables d'entendre la voix du Seigneur. And will be raptured. Et qui seront enlevés. Remember John chapter 11 verse 25. Souvenez-vous de Jean chapitre 11 verset 25. When Lazarus died, quand Lazare est mort, and Martha said to Jesus, et Marthe dit à Jésus, Lord, if you were here, Seigneur, si tu avais été ici, my brother would not have died. Mon frère ne serait pas mort. And the Lord gave the most important statement. He said, I am the resurrection and the life. Et le Seigneur a donné la plus importante déclaration. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Whoever dies and believes in me, qui que ce soit qui meurt et croit en moi, will rise to live. Veut ressusciter pour vivre. And whoever is alive and believes in me, et quiconque vit et croit en moi, will not see death. Ne mourra jamais. He was talking about the resurrection. Il était en train de parler à propos de la réservation of those asleep under the dust of the earth, de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, who were walking in holiness before they died, qui étaient en train de marcher dans la sainteté avant qu'ils meurent. And on the day of the rapture, because they believe in the Lord, et au jour de l'enlèvement, parce qu'ils ont cru au Seigneur, and believing means and trusting him with your life, croyant signifie se confiant en lui avec votre vie, believing meaning following his word to the letter, croyant signifiant suivant sa parole à la lettre, believing meaning croyant signifiant receiving the Holy Spirit to unravel to you the mystery of the Messiah. Recevons le Saint-Esprit de vous révéler le mystère du Messie. Coming to redeem you. Venant pour vous racheter. So you are able to walk faithfully according to the ways of the Messiah. Alors vous êtes capable de marcher fidèlement selon les voies du Messie. Being the mirror image of the Messiah, étant l'image miroir du Messie. And when you die, et quand vous mourrez, on the day of the rapture, le jour de l'enlèvement, you too are able to be raptured, vous aussi, vous allez être capable d'être enlevé in the eternal life, dans la vie éternelle. Because you believed in him, parce que vous croyez en lui, and entrusted him with your life, et vous lui confiez votre vie. That means you became the mirror image of Christ before you died. Ça signifie que vous devenez l'image miroir de Christ avant de mourir. I am the resurrection and the life. Et il dit, je suis la résurrection et la vie. Now the life implies, maintenant la vie implique, the translation of those who will be living at that time, le ravissement de ceux qui seront vivants à ce moment. Translated to be raptured the Lord. Ravi, être enlevé par le Seigneur. Resurrected to rapture, translated to rapture. Ressuscité pour être enlevé, ravi dans l'enlèvement. He was talking about the rapture. Il était en train de parler de l'enlèvement. That's why you see when Jesus goes to the tomb now. C'est pourquoi vous voyez quand Jésus va à la tombe. He called out Lazarus. Lazarus, come out. Il a appelé Lazare à sortir. Lazare, sors. And yet there were many people in that cemetery that were dead. Et de plus, il y a plusieurs personnes dans ce cimetière qui étaient morts. And yet only Lazarus was able to hear. The key word is hear. Et pourtant, seul Lazare a été capable d'entendre. Le mot clé est ici. Heard the voice of the Lord and came out. A entendu la voix du Seigneur et est sorti. He has so much power, like verse 27 says, that and he has given him authority to judge because he's the Son of Man. Il a tellement de pouvoir, comme le verset 27 dit, que et il lui a donné l'autorité de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. He has so much power, he could have commanded the entire cemetery to walk out. Il a tellement de pouvoir qu'il aurait pu commander au cimetière entier de sortir. But only Lazarus heard the voice of the Son of Man and he came out. Mais seul Lazare a entendu la voix du Fils de l'homme et il est sorti. That's a prototype. That's a prophecy. Ça, c'est un prototype. C'est une prophétie. the Lord was giving about the rapture. Que le Seigneur était en train de donner à propos de l'enlèvement. That only those will be able to hear the voice of the Son of Man. Que seuls ceux qui sont capables d'entendre la voix du Fils de l'homme will resurrect. Ressusciteront. And be caught up in the rapture. Et seront pris lors de l'enlèvement. That's the revelation that is given on the mighty visitation of the 26th. Ça c'est la révélation qui a été donnée lors de la puissante visitation du 26 of November 2006. Novembre 2006. When he spoke to me and showed me the rapturing of the dead. Il m'a parlé et m'a montré l'enlèvement des morts. He's telling the church, look. Il est en train de dire à l'église, regarde. The Holy Spirit is central in preparing you for the rapture. Le Saint-Esprit est au centre dans la préparation de l'enlèvement. Only the Holy Spirit can allow you to hear the voice of the archangel. Seul le Saint-Esprit peut vous rendre capable d'entendre la voix de l'archange. He's talking about the supremacy and the centrality of the Holy Spirit in this entire process. Il est en train de parler à propos de la suprématie et de la centralité du Saint-Esprit dans cet entier processus de la préparation de l'enlèvement. That brings us to another level. Ça nous emporte dans un autre niveau. What was the Lord speaking? De quoi le Seigneur parlait-il? When on the 3rd of May, the year 2007, quand le 3 mai 2007, he opened heaven, il a ouvert le ciel, and he brought a clock from heaven, et il a apporté une pendule du ciel. And then, et ensuite, that clock is coming to midnight, sur la pendule, c'était presque minuit. And the second hand is running fast, and when it's time to strike midnight, la seconde aiguille allait très vite, et quand ça a été le temps de sonner minuit, it's a big writing in the sky. Il y a eu un grand écrit dans le ciel. In semicircle, there's a lower one. En demi-cercle, et il y en avait un petit peu en dessous. It says, Jesus of Nazareth is coming. Et c'était écrit, Jésus de Nazareth vient. What is the message to the church? Quel est le message à l'église? What a mighty day for the church. Quel grand jour pour l'église aujourd'hui. That I could pour these things to you. Que je peux déverser ces choses pour vous. Viewers, on that 3rd of May at 5:38 in the morning. Auditeurs, ce 1er mai à 5:38 du matin. The sky is dark. Le ciel est sombre. Night sky. Le ciel de nuit. Heaven opens. Le ciel s'ouvre. It shows me the clock. Il me montre l'horloge. 1 minute to midnight. 1 minute avant minuit. Second hand is running very fast. La deuxième aiguille est en train de courir très vite. Time to strike midnight. He writes across the sky like a rubber stamp. Le temps de sonner minuit, il écrit à travers le ciel comme un tampon. An inscription it says, Jesus of Nazareth is coming. Une inscription qui dit Jésus de Nazareth vient. Let us look at the revelation on that. Regardons la révélation de ça. The book of Exodus. Le livre d'Exode. Chapter 11. Chapitre 11. Verse 4. Verset 4. Alléluia. Alléluia. So Moses said. Alors Moïse dit. This is what the Lord says. Ainsi parle l'Éternel. About midnight. Vers le milieu de la nuit. I'll go throughout Egypt. Je passerai au travers de l'Égypte. Let us jump to Exodus chapter 12, verse 12. Sautons à Exode, chapitre 12, verset 12. And on the same night, cette nuit-là, I'll pass through Egypt. Je passerai dans le pays d'Égypte. And strike down every firstborn of both men and animals. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. And I'll bring judgment on all the gods of Egypt. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. I am the Lord. Je suis l'Éternel. The blood will be the sign for you on the houses where you are. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. And when I see the blood, je verrai le sang, I'll pass over you, et je passerai par-dessus vous. And no destructive plague will touch you when I strike Egypt. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruira quand je frapperai le pays d'Égypte. What is the revelation the Lord was giving to the church? Quelle est la révélation que le Seigneur est en train de donner à l'Église? When he presented the clock, quand il présente cette horloge, the midnight clock in the sky, une horloge qui indique minuit dans le ciel, from heaven, du ciel. The first revelation is this. La première révélation, c'est ça. The Father is the only one, le Père est le seul, that knows the day of the wedding of the Lamb, qui connaît le jour des noces de l'agneau. And listen to me. Écoutez-moi. The Father removed the clock in heaven. Le Seigneur a déplacé l'horloge des cieux. And puts in the sky. Elle a mise dans le ciel. And he shows me the clock that is 1 minute to midnight. Et il me montre la pendule qui a 1 minute avant minuit. In other words, he's telling the church, look, it is 1 minute to midnight. En d'autres mots, il dit à l'église, regarde, c'est 1 minute avant minuit. As far as the time in heaven, the clock in heaven is concerned, it is 1 minute to midnight. That's the first revelation. Aussi loin qu'est le temps dans le ciel, la pendule du ciel est concernée. C'est 1 minute avant minuit. Première révélation. I don't know what clock you are running on. Je ne sais pas sur quelle pendule vous opérez. I don't know what clock we're saying, maybe 6 p.m. Je ne sais pas quelle horloge pourrait dire c'est à peu près 18 heures. Others are saying 9 p.m., 8 p.m., time for dinner, whatever. Une autre dirait 21 heures, 20 heures, le temps pour le manger, autre chose. But I'm speaking to you about the clock in heaven. Mais je suis en train de vous parler à propos pendule dans le ciel. It says it is 1 minute to midnight. Qui dit c'est 1 minute avant minuit. And number two. Nombre deux. Every time. Chaque moment. It is 1 minute to midnight. Que c'est 1 minute avant minuit. That means the whole day is gone. Ça signifie que toute la journée est passée. And the new day has come. Et que le jour nouveau va arriver. Put it in other words. Le mettant en d'autres mots. The old season has passed. En d'autres mots, toute la saison est passée. And the new season has come. Et la nouvelle saison va venir. For the church. Pour l'église. Alléluia. Alléluia. In other words, he's telling the church. En d'autres mots, il est en train de dire à l'église. This is the moment. The old day is over. C'est le moment. Toute la journée est passée. Your old practices are supposed to have gone. Vieilles pratiques sont supposées être passées. Prepare for the new day. Prépare le jour nouveau. To be in the kingdom of God. Pour être dans le royaume de Dieu. And you cannot enter the kingdom of God. Et vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. With the filthy practices the church has been involved in. Les pratiques crasseuses dans lesquelles l'église s'est impliquée. The character you have inherited from the world. Le caractère que vous avez hérité du monde. You cannot use it to enter the kingdom of God. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour entrer dans le royaume de Dieu. Shed it because the new day has now come. Enlève tout ça parce que le jour nouveau est en train de venir. Let me give you another revelation. Laissez-moi vous donner une autre révélation. The third one. La troisième. The Bible says here. La Bible dit ici. At midnight you'll come and pass through the land of Egypt. À minuit, je vais venir et traverser le pays d'Égypte. And bring judgment. That means every time the midnight hour comes. Et apporter un jugement. Ça signifie que chaque fois que minuit arrive, judgment strike. Le jugement frappe. The mighty revelation to the church is very sobering. Quelle puissante révélation à l'église. Ça donne à réfléchir. And he says, et il dit, I will come over. Je passerai. And when I see the blood of the lamb. Et quand je vois le sang de l'agneau. Look at John chapter 1 verse 29, somebody. Hallelujah. Regardez à Jean chapitre 1 verset 29. Alléluia. The next day John the Baptist saw Jesus coming towards him and he said, "Look, the Lamb of God who takes away the sins of the world." Le jour suivant, Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui et il dit, "Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde." And he says, "At midnight I'm going to pass through the land of Egypt." Et il dit, "À minuit, je vais passer à travers l'Égypte." And when I see the blood of the Lamb, et quand je vois le sang de l'agneau, at the doorpost, sur le linteau de la porte of your houses, de votre maison, I will pass over. I will not touch you. In other words, I'll protect you. Je vais passer tout droit. Je ne vous toucherai pas. Je vous protégerai. You will belong to me, and yet I'll strike the enemy. Vous allez m'appartenir, et là, je vais lutter, frapper l'ennemi. Isn't the church living in Egypt right now? Est-ce que l'Église n'est pas en train de vivre en Égypte maintenant? Aren't we living in a spiritual Egypt? Est-ce que nous sommes pas en train de vivre dans une Égypte spirituelle?